Psaume 106. Louez l'Éternel. Célébrez l'Éternel, car il est bon, parce que sa bonté demeura toujours. Qui pourrait réciter les exploits de l'Éternel? Qui pourrait faire retentir toute sa louange? Oh, que bienheureux sont ceux qui observent la justice, et qui font en tout temps ce qui est juste. Éternel, souviens-toi de moi selon la bienveillance que tu portes à ton peuple, et aie soin de moi selon ta délivrance. Afin que je voie le bien de tes élus, que je me réjouisse dans la joie de ta nation, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché avec nos pères, nous avons agi iniquement, nous avons mal fait. Nos pères n'ont point été attentifs à tes merveilles en Égypte, ils ne se sont point souvenus de la multitude de tes faveurs, mais ils ont été rebelles auprès de la mer, vers la mer rouge. Toutefois il les délivra pour l'amour de son nom, afin de donner à connaître sa puissance. Car il tensa la mer rouge, et elle se sécha, et il les conduisit par les gouffres comme par le désert. Et les délivra de la main de ceux qui les haïssaient, et les garantit de la main de l'ennemi. Et les eaux couvrirent leurs oppresseurs, il n'en resta pas un seul. Alors ils crurent à ses paroles, et ils chantèrent sa louange. Mais ils mirent incontinent en oubli ses œuvres, et ne s'attendirent point à son conseil. Mais ils furent épris de convoitise au désert, et ils tentèrent le Dieu fort au lieu inhabitable. Alors il leur donna ce qu'ils avaient demandé, toutefois il leur envoya une phtisie en leur corps. Ils portèrent envie à Moïse dans le camp, et à Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit, et engloutit Dathan, et couvrit la bande d'Abiram. Aussi le feu s'alluma en leur assemblée, et la flamme brûla les méchants. Ils firent un vœu en Horeb, et se prosternèrent devant l'image de fonte. Ils changèrent leur gloire en la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent le Dieu fort, leur libérateur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des choses merveilleuses au pays de Cham, et des choses terribles sur la mer rouge. C'est pourquoi il dit qu'il les détruirait, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur, afin qu'il ne les défie point. Ils méprisèrent le pays désirable, et ne crurent point à sa parole. Et ils se mutinèrent dans leurs tentes, et n'obéirent point à la voix de l'Éternel. C'est pourquoi il leur jura la main levée, qu'il les renverserait dans le désert, et qu'il accablerait leur postérité parmi les nations, et qu'il les disperserait par les pays. Ils se joignirent aux adorateurs de Baal-Péor, et mangèrent des sacrifices des morts. Et ils dépitèrent Dieu par les choses à quoi ils s'adonnèrent, tellement qu'une plaie fit brèche sur eux. Mais Phiné se présenta, et fit justice, et la plaie fut arrêtée. Et cela lui a été alloué pour justice dans tous les âges à jamais. Ils excitèrent aussi sa colère près des eaux de Mériba, et il en avint du mal à Moïse à cause d'eux. Car ils chagrinèrent son esprit, et il parla légèrement de ses lèvres. Ils n'ont point détruit les peuples que l'Éternel leur avait dit. Mais ils se sont mêlés parmi ces nations, et ils ont appris leur manière de faire. Et ont servi à leurs faux dieux, lesquels leur ont été en lac. Car ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Et ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, lesquels ils ont sacrifié aux faux dieux de Chanaan, et le pays a été souillé de sang. Et ils ont été souillés par leurs œuvres, et ont paillardé par les choses à quoi ils se sont adonnés. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est embrasée contre son peuple, et il a eu en abomination son héritage. Et il les a livrés entre les mains des nations, et ceux qui les haïssaient, ont dominé sur eux. Et leurs ennemis les ont opprimés, et ils ont été humiliés sous leurs mains. Il les a souvent délivrés, mais ils l'ont irrité par leurs conseils, et ils ont été mis en langueur par leur iniquité. Toutefois il les a regardés dans leur détresse, quand il entendait leur clameur. Et il s'est souvenu en leur faveur de son alliance, et s'est repenti selon la grandeur de ses compassions. Et il a fait que ceux qui les avaient emmenés captifs, ont eu pitié d'eux. Éternel notre Dieu, délivre-nous, et nous recueille d'entre les nations, afin que nous célébrions le nom de ta sainteté, et que nous nous glorifions en ta louange. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, depuis un siècle jusqu'à l'autre siècle, et que tout le peuple dise, Amen. Louez l'Éternel.